Le tribunal correctionnel d'Orléans, cette fois rendu hier son jugement dans l'agression en août 2007 d'un homosexuel sur les bords de Loire. Ah oui, un jugement qui a provoqué un certain émoi dans la communauté homosexuelle orléanaise, puisque la justice, eh bien, refuse de reconnaître le caractère homophobe de cette agression. Les deux jeunes d'une vingtaine d'années sont condamnés à 9 mois de prison avec sursis, Sylvain Tranché. Et pour justifier qu'ils ne retiennent pas le caractère homophobe du délit, le tribunal s'est appuyé sur le fait que, lors de l'agression, personne n'avait prononcé d'insultes à caractère homophobe. Ce qui, effectivement, n'est pas contesté. Mais lors de la garde à vue, devant les policiers, certains de leurs amis avaient pourtant reconnu qu'ils venaient souvent sur les bords de Loire, du côté de la chapelle Saint-Mémin, pour « casser du PD », a dit l'un d'eux. D'ailleurs, le troisième agresseur mineur, et donc déjà jugé par le tribunal pour enfants, a lui été condamné pour agression homophobe. Mais le juge correctionnel n'a pas voulu retenir cette circonstance aggravante. Il a donc débouté le groupement gay et lesbien qui s'était constitué partie civile. Son président, Denis Lefebvre. Moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est le message qui est transmis, puisque ça veut dire que quand on est une bande d'homophobes, qu'on veut aller casser la figure à des homosexuels, il suffit de rien dire et du coup, on sera moins condamné. Ils ont admis en garde à vue être allés là-bas pour ça. Et l'autre élément objectif, c'est on sait bien que ce lieu-là est un lieu de rencontre habituel des homosexuels. On avait là des éléments objectifs et là, le jugement vient de dire qu'il n'y avait pas d'éléments objectifs. La loi est pas si mal faite, mais après, il y a des juges derrière qui ont une façon de l'appliquer qui me pose question. Là, on dit simplement qu'il s'est fait casser la figure, point. Alors qu'il ne s'est pas fait casser la figure, point. Il y a eu bien autre chose, ils sont venus là parce qu'il est homosexuel. Et ça, ça n'a pas été reconnu. Le parquet d'Orléans, qui avait soutenu la thèse de l'homophobie, a 10 jours pour faire appel de cette décision. Lui seul peut ouvrir la voie à un nouveau procès. On partage France Bleu, Orléans, Sylvain Tronchet.